Salut Internet et bienvenue à un nouvel épisode de Jason Jeu, l'émission YouTube à laquelle on répond à tes questions, les à tiennes. Toi, à la maison. Parce que ce sont des questions fort pertinentes et on est toujours très heureux d'y répondre. Aujourd'hui, on répond à qui, Max? On répond à, je prends les notes, on répond à Jonathan Harvey. Jonathan Harvey? Renko QC sur Twitter. De l'épée légendaire. Tout à fait. Hey Steph, je suis vraiment content de plugger l'épée légendaire ici, sur le podcast. Oui. Moi, je l'aime beaucoup, l'épée légendaire. Selon moi, c'est la meilleure référence dans le jeu vidéo québécois au Québec. Léonard. Oui. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment une bonne job. Donc, Maxime Tremblay et toute sa gang, ils ont site internet et un podcast où ils critiquent et analysent le jeu vidéo. Puis ils font bien ça. On les aime. Oui, puis je trouve que c'est important de souligner l'effort québécois aussi. On est pas mal submergé de trucs américains et français, mais il y a de la qualité qui est faite au Québec! On est comme une petite bande de Gaulois irréductibles. Mais hein? Oui, absolument. Fait, qu'est-ce qu'il veut savoir, notre ami Jean-François Harvey? J'ai dit Jean-François, je te débaptise. Que pensez-vous des DLC? En avez-vous acheté? Si vous lesquels? Ah, le DLC. Le mal-aimé DLC. Vraiment. Qui est vraiment je pense qu'il y a vraiment du hate envers le DLC qui est vu souvent avec une manière de couper les coins ronds pour les autres jeux. Puis aussi, l'autre problème avec le DLC, c'est le fameux pay to win. Payer pour gagner. Oui. Ça, c'est très méchant. Oui. Mais Steph, j'ai une confession à te faire. Moi, j'ai déjà fait ça. T'as déjà pay to win? T'as déjà fait ça? Ouais. Où, quand, comment, pourquoi? Battlefield 4, je voulais le shotgun à n'en plus finir. Parce que à Battlefield, quand t'as le shotgun, t'as pas mal comme vaincu le jeu. Où tu veux, c'est pas mal fait. À ce point-là, il est tellement... Il est vraiment efficace. Quand t'as le shotgun, les gens te détestent. Fait que j'ai pay to win. Oui. J'ai pay to win une fois. Wow. Je pense que c'était 3$. Pour un shotgun. Wow. Mais sinon, j'ai aussi fait des belles découvertes en oui. DLC. Non, le DLC, il se fait du très très très bon DLC. Moi, le DLC que j'aime, c'est vraiment le DLC qui va vraiment expandre ton jeu, qui va te rajouter des choses. Rajouter de l'histoire. On s'entend que un jeu pour lequel j'ai acheté ben du DLC et que je l'ai pas regretté, c'est Mass Effect. Mass Effect avec ça. A dans le meilleur DLC. Lair of the Shadow Broker est écœurant. Ça ajoute de la profondeur à l'évolution psychologique des personnages. Absolument. C'est ça qui est fantastique avec ce DLC-là. C'est pas juste que je te donne une mission additionnelle, c'est non. Je te fais vivre une expérience complète additionnelle. Oui. Citadel, l'expansion Citadel. Oh my god, c'est un. Je veux dire, tu peux faire un party dans ton appart puis danser avec ta gang entre deux sauvetages de monde. C'est comme. Personne te laisse faire ça! Personne! Personne! Je te laisserais même pas faire ça chez nous. Mais donc, tu peux le faire dans un DLC. Absolument. Donc, moi, je suis très pour le DLC. Pour le DLC quand il est bien fait. Quand il est bien fait. C'est... Quand le prix est juste. Quand le prix est juste, je veux dire... Ouais. Pas l'affaire de Candy Crush, là, 50$, puis je meurs plus, pour là. Débloquer des affaires, ou... Ça, j'en veux pas. De l'armure à cheval. Te rappelles-tu de l'armure à cheval, Max? Je me rappelle en tête de l'armure à cheval. L'armure à cheval de Oblivion. Oui. Les Elder Scrolls 4. Tout à fait. C'est un des plus mauvaises affaires de DLC. Si à la maison, t'écoutes Radio Talbot, tu connais sûrement l'anecdote de l'armure à cheval. Je te laisse la découvrir. Oui, c'était définitivement pas le meilleur DLC. Non. C'est, mais... Mais le cheval était beau. En tout cas! Oui! En tout cas... On t'avait toujours rajouté là-dessus? Les DLC cosmétiques, qu'est-ce que t'en penses, toi? Payer pour avoir des costumes additionnels. Moi, je trouve que dans un format, surtout comme, mettons, League of Legends, les choses sont free-to-play, je trouve que c'est une belle chose que, t'sais, qui te permet comme de pomper de l'argent dans un jeu qui, normalement, t'en demande pas. C'est un truc, par exemple. Cosmétique. C'est ça, mais ton cosmétique, J'aimerais ça qu'il m'amène quelque chose en tant que joueur. Ouais. Tu sais, mettons, ça me dérange pas là, de payer, mettons, une cape qui me donnerait de la magie. Peut-être dans quelque chose qui serait offline, ça à la limite, ok, mais dans un univers multijoueur comme un MOBA, je pense pas que. Parce que. Ben, un MOBA, c'est gratuit. League essaye de garder de faire le moins possible de pay to win. Tu sais, c'est vraiment pour monter ton bonheur, ouais. ça te prend des points d'expérience que t'as en jouant le jeu. Tu peux. L'argent te sert juste à acheter des bonhommes. Ok, ben ça, c'est de la merde. Ou de même, tu sais, c'est comme. Je m'excuse à la maison, c'est de la merde. Mais en même temps, je peux comprendre le modèle d'affaires. Tu sais, ouais. Tu vends, tu donnes un jeu et tu donnes la possibilité aux gens, hey, si t'aimes ça, achète du stock dedans. Mais en même temps, je trouve que c'est un faux problème de faire ça parce que, ben tu sais, ton jeu est gratuit. Si moi je veux payer pour un jeu, je vais aller m'acheter un jeu. Ben, je sais pas. Puis, je sais pas, moi je vois ça m'amène un dilemme moral, là, moi. Ben, en tout cas, moi j'ai acheté le costume de Shot Katarina parce qu'il était cute. Bien, moi j'ai acheté un shotgun parce qu'il était bon. T'as acheté un costume parce qu'il était cute. Je pense qu'on est. On est even là-dessus. Oui, je pense qu'on est even là-dessus. Even là-dessus. Mm-hmm. Ensuite, Monsieur Harvey veut savoir qu'est-ce qu'on pense de l'augmentation du coût des jeux vidéo depuis quelques années. Il n'y a pas vraiment de thématique oui, là, dans ce qu'on. Non, mais c'est un spécial argent beaucoup. On parle argent. Ouais, j'aime ça. On parle argent. Bienvenue au canal argent. Oui. Donc, l'augmentation du prix des jeux, on entend beaucoup parler. Beaucoup de gens qui disent ah, les jeux augmentent, c'est tellement cher. Choses comme ça. Mais on a fait de la recherche internet. On a fouillé un petit peu pour toi. Parce que, vois-tu, on prend tes questions au sérieux. Vraiment. Et voici ce qu'on a découvert. Sais-tu combien ça coûtait Final Fantasy 3 sur Super Nintendo au lancement? Final Fantasy 6. 3, on avait une. Non, regarde, on ne repart pas là-dessus, on l'a déjà fait. Ça coûtait 55$. Fait que moi, je suis pas prêt à dire que les jeux ont tant augmenté de prix que ça. En fait, je trouve que si on y va au prorata de la vie, là, les salaires ont beaucoup plus augmenté que les prix des jeux vidéo. Mm-hmm. Puis compte tenu aussi qu'aujourd'hui, développer des jeux vidéo, ça coûte beaucoup plus cher que ça coûtait à l'époque. Ben, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix encore. Là. Donc, techniquement, les jeux sont pas plus chers, peut-être sinon même un peu moins chers. C'est ça, si on convertissait l'argent de l'époque par rapport à l'argent d'aujourd'hui, ça serait moins cher un jeu aujourd'hui. Ouais. Les consoles, par contre, étaient assez dispendieuses dans le temps. Écoute, je me rappelle plus, une NES pour 200$ peut-être? 200$ en dollars de 80, d'années 80. Ouais, versus une PlayStation 4 qui en coûtait quoi, 500 au lancement? 500 au lancement. Moi, je me rappelle que mon père a payé des fortunes là, pour des Coleco puis des affaires de même. Oh, c'est quel qu'on avait? On avait le Coleco Adam. Là, mon père, il avait coûté 1000$. Là. 1000$ pour une console? Ouais. Ça, c'est pas quoi? Ouais. Mais ça faisait tout à l'époque, c'était un PC aussi. C'est vrai, lui-même. C'était vraiment multifonction. Ouais, il y avait même une imprimante avec ça, hein? Il y avait une imprimante, ouais. Quand même. Fait que c'est ça. Fait que. Mais je pense que ce qui fait mal, c'est au niveau de ce qu'on perçoit avec l'augmentation des prix comme ça, c'est que les prix sont pas constants. Ouais. On le voit, les jeux sortent au gros prix et rapidement perdent de la valeur. En 3 mois, ça peut perdre 50% de valeur. Ça peut perdre de 50% de sa valeur. Et puis on le voit même aussi avec le fait que dans le phénomène de revendre des jeux, quand tu redonnes ton jeu qui est vendu, même usagé, 50$, la personne qui te l'a, pour ne pas nommer de nom, le Heavy Games, te redonne comme 4$. Ouais. Ça, c'est. J'ai pas de référence française pour Heavy Games. Pour Heavy Games, ouais. C'est. Je m'excuse, mais en tout cas, magasin de jeux vidéo. Magasin de jeux vidéo. Ben, au Canada, c'est pas mal la grosse chaîne. Ouais, je parlais pour en France. En France. Je connais pas le magasin de jeux. Micromania, ça existe encore? On le sait pas. Cool. Donc, je pense que on a l'impression peut-être que... Il y a beaucoup aussi de variations en dépit des jeux qui sortent aujourd'hui. Mettons, un jeu licencié Nintendo va coûter... Un jeu développé, excuse-moi, par Nintendo va coûter beaucoup plus cher qu'un jeu développé par un développeur tiers sur Wii U. Ouais. Fait que c'est ça, il n'y a comme plus vraiment de référence sur c'est quoi le prix des nouveautés aujourd'hui. Les jeux peuvent... Un jeu peut être encore à 60$ usagé ou 55$ usagé comme un an après sa sortie, certains jeux, puis d'autres vont tomber à 10$. On se demande c'est quoi la valeur réelle. Smash Bros. Sur Wii, ça vaut encore une fortune. C'est... Mais en fait, tout jeu Nintendo aujourd'hui va encore une fortune. Ouais. Les jeux portables baissent rarement de prix. C'est vrai. Tout ce qui est Vita, 3DS, les prix baissent très peu. Ouais. Alors que pour certains d'autres jeux, tu peux facilement attendre quelques temps et que le prix soit beaucoup plus bas. Donc... Est-ce que je pense qu'on peut répondre à la question comme non, le jeu est pas moins cher, mais j'ai l'impression que, surtout avec peut-être le phénomène du free-to-play qui commence comme ça, que peut-être que ça nous semble cher. Ouais. Ça nous semble cher considérant que on peut avoir des expériences similaires pour gratuitement ou pour, si on attend quelques mois, l'avoir la moitié. Donc si on se dit le jeu finit par valoir la moitié de ce prix-là, c'est qu'il n'en a jamais valu 60. Effectivement. Donc, je pense que peut-être que le consommateur peut s'en retrouver un petit peu irrité. Oui, puis on va revenir à tout ça dans la prochaine question. Oui, absolument. Ça va être merveilleux, check bien le lien. Oui, il y a tellement un beau lien ici. J'aime les questions qu'on a aujourd'hui. Oui, justement, est-ce que vous avez parfois des hype sur les jeux vidéo? Donc, mm-hmm. On peut traduire hype. Hype, est-ce que on. L'excitation, on a envie. On se met à capoter à attendre impatiemment la sortie d'un jeu. Donc, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on en a sur des jeux vidéo ou on est plus du genre à attendre d'avoir l'opinion des autres puis que le prix descende? Ben, moi, je vais te dire, Max. Dis-moi. Je suis du genre. Aussitôt qu'on me parle qu'un jeu va sortir. En général, je le sais tout de suite si je vais l'acheter ou pas. Ouais. J'ai pas besoin... On a des référents. On a des référents. Moi, tu me dis, il y a un nouveau Dragon Age qui sort. Ben, c'est... Ben, shut up and take my money. Ton cœur est conquis d'avance. Et je suis conquis d'avance. Je sais, j'ai pas besoin de regarder de review. J'ai pas besoin de regarder un trailer, de jouer un démo. C'est comme, je vais l'acheter puis je vais l'aimer. Puis c'est comme ça. Ouais. Moi, je suis pas du genre à regarder. Je regarde jamais le trailer dans la vie. Toi, tu regardes-tu les trailers? C'est rare que. Moi, je vais regarder. Bon, normalement, là, dans les phases marketing du jeu vidéo, il y a le trailer en animation CGI qui va sortir, qui va absolument rien dire, qui donne aucune idée sur l'histoire, rien, qui fait juste nous vendre de l'air. Ouais. Ce qu'on va voir au E3, normalement. Ça, je regarde jamais ça parce que justement, ça veut rien dire. Non, c'est pas représentatif nécessairement de l'expérience de jeu. Exactement. Après ça, pas longtemps après, normalement, il y a une vidéo de gameplay qui va sortir. Ouais. Ça, je vais être plus du genre à regarder ça. Mm. Mais encore là, moi j'ai fait un petit peu d'études en marketing, là, fait que je suis quand même un consommateur averti à ce niveau-là. Ces séquences de jeu-là, c'est des séquences qui ont été préalablement choisies là, par l'équipe de développement, par l'équipe marketing pour vouloir exactement montrer quelque chose dans un univers contrôlé. Mm-hmm. Donc oui, je regarde ces bandes annonces-là, mais j'ai aucune excitation par rapport à ça. Mm-hmm. Puis j'y ai repensé au truc des hype et tout, oui. Puis des jeux que je veux acheter rapidement. Et le seul temps que ça revient, cette excitation-là, c'est sur... Cette stérilité. Exactement. C'est sur mes franchises de jeunesse. Ah ouais? Il y a quelque chose qui va jouer... Le facteur nostalgie. Le fameux facteur nostalgie. Donc si on parle d'un Final Fantasy, d'un Tales à la limite, des trucs comme ça, automatiquement, d'un Mario même. Automatiquement, un Zelda. Un Zelda, ben oui. Je vais être conquis d'avance. Puis... c'est pas quelque chose que je vais acheter à la sortie. Toi, t'es pas du genre à te hyper pour des nouvelles propriétés intellectuelles. Non. C'est toi, on t'arrive avec quelque chose de nouveau, puis tu vas faire ah, peut-être cool, mais. Va falloir que je joue avec ou que j'en garde. Pas du hype. Non. Moi, je lis beaucoup des demandes nouvelles de jeux vidéo, choses comme ça. Fait que j'aime lire les reviews dans ces cas-là, ouais. Voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Mais je me suis souvent fait. J'ai découvert souvent des nouvelles choses que je n'avais pas essayé avant. Avec ce genre de choses-là, comme dernière année, j'ai découvert la série Danganronpa, qui m'a été entièrement vendue à cause d'un éditeur de cet internet, Kotaku, qui trippe sur cette série-là et qui en parlait à outrance. Puis à force de l'entendre en parler, j'ai fait « ça a l'air vraiment bon ». Et à force de l'essayer, j'ai adoré. Puis même quand le dernier Danganronpa qui est sorti au début du mois de septembre, Danganronpa 3 Ultra Despair Girl, je l'ai acheté Day One. Mais ça, c'est la prochaine question, c'est Steph! La prochaine question! C'est quoi la prochaine question? On va y aller tout de suite. Avez-vous déjà acheté des jeux Day One? Et si oui, est-ce qu'il y en a là-dedans que vous regrettez d'avoir acheté? Là, je peux me débarrasser de ça. Oui, absolument. j'achète peu de jeux Day One. À part justement si c'est quelque chose de très gros que je sais que je vais avoir. Ou, à l'inverse, quelque chose de petit et que je veux encourager. Par exemple, les deux derniers jeux que j'ai achetés Day One sont Danganronpa Another Episode, que je viens Ultra Despair Girl, que je viens d'acheter. Et avant ça, ça a été le dernier Professeur Layton contre Phoenix Wright. Et les raisons pourquoi je l'ai acheté Day One, je les ai même précommandés. Puis bon, il y a un débat sur les précommandes, que bon, c'est pas une bonne de choses. Normalement, je suis assez... En effet, je suis pas très précommande. Mais pour des franchises qui sont petites, puis même dans le cas de Phoenix Wright, que le vrai dernier opus de juste Phoenix Wright tout seul a pas eu de sortie physique. Ah ouais? Il a été download only. Parce que ça justement, c'est pas une série qui a... C'est pas Pokémon, puis pourtant ils ont vendu... Ils ont fait des pas pires chiffres, mais comparé à d'autres choses, ils en ont pas fait beaucoup. Puis il y a eu. Mais c'est très niche le visual novel. C'est très niche le visual novel. Dans l'Ouest, c'est pas le genre qui est le plus populaire, mais il y a des fans qui sont très, très, très, très, très, très fidèles à cette série-là. Donc, quand j'ai su que Professeur Layton versus Phoenix Wright allait sortir physique, pour moi, c'était clair que j'allais le précommander puis l'acheter Day One pour voter avec mon portefeuille. Parce que c'était important pour moi de signifier à Nintendo et à tout ce comme ça qu'il y a des fans qui sont prêts à l'acheter Day One puis à mettre l'argent, puis, l'argent dessus. OK, ben gars, on va partir un petit débat là-dessus. Ah oui? OK, on y va. On fait un débat, oui. OK. Tu dis que tu votes avec ton argent. Oui. OK. Je te mets en contexte une situation, oui, puis, okay. Puis réponds-moi. OK, sure. Moi, j'aime pas Céline Dion. Oui. Puis j'achète pas son album. Oui. En quoi ça fait signe au distributeur de Céline Dion qu'il y a des gens qui aiment pas Céline puis ils devraient arrêter de l'endisquer? Ben, il y a beaucoup de gens qui l'achètent quand même. Ouais, mais ils votent pas avec leur argent, ils font juste consommer. Ben, dans mon cas, je consommais justement en votant avec, parce que je l'achetais. Je pense que tu peux pas... C'est sûr qu'en t'abstenant d'un produit, ben... C'est parce que tu dis, je vote avec mon argent, ben tant qu'à ça, moi aussi je vote avec mon argent parce que je l'achète pas. Aussi, non, c'est vrai. Ben, en même temps, on aurait pu dire la même chose dans le monde du jeu vidéo, là, tu sais, c'est... On n'achète pas Call of Duty, puis ça vend pareil. C'est vrai. Donc, Excuse-moi, Céline. J'en avais pas... Pourquoi Céline, man? Qu'est-ce que t'as contre Céline? C'est parce que je trouve à place Rosemère? Non, c'est... Ben, c'est... Oui. C'est le grand amour qui joue à place Rosemère, mais ça, c'est un autre affaire. Mais ça, c'est un autre affaire. C'est une autre histoire. Mais non, je baguais Céline pour pas m'attirer des détracteurs sur les jeux vidéo. D'accord. Ben, allô? C'est sûr qu'il y a des choses qui vont toujours être populaires. Là, je parle surtout dans un cas... D'un produit qui est niche. Ouais. Fait que pour moi, c'est important de voter et avec mon portefeuille en achetant comme ça. C'est sûr que quand tu te bats contre une multinationale et qu'il y a d'autres, tu sais qu'il y a comme 40 millions d'autres personnes qui vont acheter le produit, c'est sûr que toi, en l'achetant pas, c'est tu leur fais pas grand chose. Mais quoi, à l'inverse, tu sais, quand il y a eu, pour revenir avec l'exemple du dernier Phoenix Wright, quand c'était annoncé que le dernier Phoenix Wright, là, versus Professor Layton, ouais. Que ça a été annoncé que ça serait un download only, téléchargement seulement. Il y a eu des gens qui sont fâchés et qui ont dit « Ben, s'il n'y a pas de copie physique, je le boycotte. » Puis moi, je pense que c'est dommage. Parce que vaut mieux l'avoir en download que de ne pas l'avoir du tout. Puis de risquer le fait de ne pas avoir de localisation, de ne pas avoir de traduction. Parce que eux autres, s'ils font comme ça, c'est clairement parce qu'ils ne font pas autant d'argent avec qu'avec une autre série. C'est-tu Atlus qui fait... C'est... Professeur Layton, je pense pas... Non, c'est Capcom. Ah, OK. C'est Capcom. Ah, mais Capcom, ça va pas bien à la base. Non. Je pense que le problème est plus là. Donc ça, c'est les jeux que j'achète. Toi, c'est quoi le dernier jeu que t'as acheté Day One? Hey! Moi, il a fallu que je remonte le très longtemps. Le dernier jeu Day One que j'ai acheté, c'était Final Fantasy X sur PlayStation 2. 10? 10. Même pas comme 13 ou... Même pas. Damn! C'est à quelle année ça déjà de... Je sais pas. Ça fait un sale bout, ça? Je sais plus. 2014. Damn! Mais quel jeu? Quel jeu? Ça valait la peine de l'acheter Day One. Tout à fait. Je t'explique mon point et mon raisonnement là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui aime toujours en avoir plus pour mon argent. Donc, j'aime mieux attendre que le jeu baisse de prix pour pouvoir en acheter plus. Exemple, il y a beaucoup de jeux de PlayStation 4 présentement qui sont en dessous des 20$. Donc, j'aime mieux m'acheter plein de ces jeux-là, mettons 3 de ces jeux-là pour 60$ qui serait le prix d'un jeu neuf. Donc, pour le même prix d'un jeu neuf, j'en ai 3. C'est dur de se battre avec cette logique. Effectivement, donc j'ai vraiment une... J'essaie de respecter le plus possible. Là. Mais une des fois. De 20$. Des fois, il brise. Des fois, il choque. Des fois, il choque. Des fois, il choque, puis il va choquer bientôt aussi. Mais ça arrive. L'homme n'est pas parfait. On peut pas. C'est dur quand on a des principes, toujours s'y être attelé. Mais mettons quelque chose que j'attends pas du tout. J'aime mieux le payer 20$ puis avoir une bonne surprise que le payer plein prix puis être déçu. Ouais. Ben on a fini. Mais oui, tu avais quelque chose à rajouter? Pas vraiment. Je pense que c'était un beau petit spécial argent et consommation. Pour consommation avertie de jeux vidéo aujourd'hui. T'as-tu qu'elle était hot? Elle était de finir le genre d'argent en faisant ça. En faisant ça de même avec du genre de l'argent monopoly. Ouais. Mais là, il est trop tard. Et maintenant, on ne peut plus le faire. Mais on espère qu'on a répondu à des questions. Jonathan. Ah, Renko. Renko de l'épée légendaire. Sont-tu hot, toi? Tellement. Va les Donc, voir. D'ailleurs, on va mettre un petit lien vers leur chose quelque part ici. Là. Oui, parce que tu devrais vraiment aller leur jeter un coup d'œil. Oui. Oui, puis supporter leur page aussi. Ben c'est ça. Oui, et donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça et, fait plaisir, Steph. Oh. Mais surtout, as-tu des questions pour nous? Ouais, parce que l'onde n'a plus. Aimerais-tu qu'on y réponde? L'onde n'a plus, fait, faut plus. Que t'en envoies. Faut que t'en envoies, pas le choix. Donc, c'est une question pour nous que t'aimerais qu'on parle de toi à Jason Jeu. Écris-nous une petite, un petit mot dans les commentaires. Envoie-nous un petit mot sur la page Facebook. Tweet-nous, on est sur Twitter, c'est des questions. Oui, il n'y a plus de limitation de caractère maintenant dans les messages en direct, fait que go! Oui, on est full à tes ordres. T'as une question pour nous, on y répond. Donc, je pense que cela conclut notre jazz en jeu. Deux secondes avant la présentation finale, c'est une couette. OK. Merci d'avoir été avec nous, puis on se voit au prochain jazz en jeu. Dans un mois! Salut!